Et ça, c'est pour les femmes. Il y a de l'électronique dans le bracelet, un capteur. Et si tu as un problème, tu fais ce geste trois fois comme ça. Le capteur va appeler directement un numéro préenregistré et signaler que tu es en danger. Ces produits, ils les vendent à des chaînes de supermarchés, à des fabricants de jeux vidéo ou à des particuliers sur Amazon. À 56 ans, cet ingénieur est l'un des experts chinois du Bluetooth. Avant de monter sa société, il a travaillé 12 ans chez Microsoft en Californie. On va faire un test sur 10 minutes et on va calculer la moyenne. Il emploie aujourd'hui une trentaine de personnes, dont une dizaine d'ingénieurs. Il fabrique des puces électroniques pour produits connectés, mais surtout il fait de l'innovation. Jin Shu a déjà breveté une soixantaine d'inventions. Aujourd'hui, il a une commande de capteurs Bluetooth. Il doit les expédier en Allemagne par les nouvelles routes de la soie. Grâce à la ligne de chemin de fer, la livraison est 12 fois moins chère que l'avion et 2 fois plus rapide que le bateau. On a enfin une fenêtre ouverte sur le monde. On va pouvoir être compétitif en termes de coûts et de temps de transport. Maintenant, on va pouvoir concurrencer des villes comme Shanghai. Résultat du succès de ces entreprises, la ville de Jinshu ne cesse de s'agrandir. Elle accueille 200 000 nouveaux habitants chaque année. C'est l'heure des bouchons. C'est toujours comme ça à cette heure. Vous voyez ? Avec sa jeune épouse, le chef d'entreprise termine tôt sa journée de travail pour s'occuper de leurs enfants. Ils habitent dans une résidence de standing au 25e étage de cet immeuble. On est de retour. Ils ont deux enfants de 11 et 9 ans. Dites bonjour les enfants. Et une nounou à plein temps. Sur la télé du salon, pas de dessin animé. Son fils aîné était en train de regarder un cours de maths en vidéo et en anglais. C'est 1, c'est 2, jusqu'à CK. Et maintenant, on veut connaître le gradient, la dérivée. Le garçon est bourré d'ambition. Quand j'étais jeune, mon rêve... Mais tu es toujours jeune. Quand tu étais petit. Oui, quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'être astronaute. Et maintenant, je veux être... Un ingénieur ? Oui, ingénieur informaticien, comme mon papa. Il a plus d'opportunités. Il devrait faire mieux que moi. Avant de parier sur les nouvelles routes de la soie, Jin Shu a eu une autre vie. Son parcours est exceptionnel pour un fils d'instituteur de province. Grâce à une bourse, il a pu faire des études d'ingénieur à Shanghai, puis aux États-Unis. Il a occupé plusieurs gros postes dans la Silicon Valley. Ça, c'était à San Francisco. J'avais cette voiture, une Acura. C'était il y a 20 ans ? Oui. J'avais ma voiture, ma maison et un super bon boulot. Mes parents pensaient que j'étais fou d'aller là-bas. En même temps, ils étaient contents pour moi parce que les États-Unis, c'était le paradis. Et ici, à l'époque, c'était pas loin d'être l'enfer. Aujourd'hui, tout a changé dans la vie de l'entrepreneur. Il peut se permettre d'aller dîner dans les meilleurs restaurants de Chongqing. Ce soir, le plat typique régional. Une sorte de fondue très épicée dans laquelle on plonge des beignets de crevettes, des légumes ou encore de l'estomac de bœuf. Jin Shu mesure le changement. Sa ville est en passe de devenir un des nouveaux centres économiques du monde. Ici, vous pouvez sentir le dynamisme. Je ne sais pas comment expliquer. Peut-être parce qu'on était si pauvres pendant si longtemps. Les gens se sont dit, il faut que ça change. Et surtout, ce n'est plus un crime de devenir riche. C'est génial. C'est même complètement dingue. Chongqing compte aujourd'hui une centaine de multimillionnaires.